السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، لا ينبغي لأحد منا أن ينسى سبب وجوده في هذا العالم. لماذا خلق كما خلق الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. Personne ne doit oublier et omettre la raison pour laquelle il existe dans cet univers, pourquoi il a été créé, comme l'a dit Allah Azzawajal, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce qui implique de connaître le haqq d'Allah Azzawajal à la ibadi, qui est, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, « Ya Mu'adh, hal tadri ma haqqullah à la ibadihi ?»« Qala Allahu wa rasuluhu a'lam » قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc c'est le droit d'Allah Azzawajal, comme l'a enseigné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, en lui disant: oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit: Allah et son messager sont plus savants. Il a dit: son droit est que ses serviteurs l'adorent et ne lui associent rien. Donc le droit d'Allah Azzawajal, c'est le tawhid, d'unifier Allah Azzawajal dans l'adoration, car il le mérite. Yaqulu subhana ya ayyuhannasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-arda firasham wa samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa kharaja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et ceux qui a créé ceux d'avant vous, afin que vous puissiez craindre. Celui qui a fait de la terre pour vous une étendue et des cieux, un édifice, et il fit descendre des cieux de l'eau, par laquelle il fit sortir de la végétation, en guise de subsistance pour vous. Alors ne donnez pas à Allah d'égo, alors que vous savez. Ibn Kathir, رحمه الله تعالى دين صلى التفسير أن خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Il a dit que celui qui a créé toutes ces choses, c'est lui qui mérite adoration. Ce passage vous connaissez, cité dans Salat al-Usul. Ces versets comprennent le premier ordre dans le Mus'haf, ainsi que le premier interdit. Le premier ordre: Ubudu Rabbakum, adorez votre Seigneur. Et par la suite, la première interdit: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne donnez à Allah aucun égal alors que vous savez. Premier ordre, le tawhid, adoration. Premier interdit, le shirk. Et on peut considérer comme ce qu'il y a de plus emblématique de cette ibadah, de cette adoration, c'est la salat. Ce deuxième pilier de l'islam, dans laquelle on récite al-fatiha. Donc c'est parmi ces versets, نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits, et non de ceux qui ont encouru ta colère et ni des égarés. Donc Allah Azzawajal a comblé des gens de bienfaits, et nous demandons dans cette salat qu'il nous rende parmi eux. Donc, al-in'am, le fait d'accorder les bienfaits, hadha min sifatillah azza wa jal, wa min af'alihi, walakin al-mun'im laysa min asma'ihi. In'am, le fait d'accorder les bienfaits, fait partie des attributs d'Allah Azawajal et de ses actes. Par contre, Al-Mun'im, qu'on dirait comme étant le bienfaiteur, je ne sais pas si on dit bienfaiteur ou bienfaiseur, bienfaiteur, en soi, je ne parle pas du Mursin, je parle du Mun'im. Parce qu'en traduit, en traduction, ce serait la même chose, à peu près. Là, je parle du Mun'im. Ça, ce n'est pas un nom parmi les noms d'Allah Azawajal. Lakin, yajouz an yurbaru bihi. Mais il est permis d'en informer, de parler de lui, en informant par ce qualificatif. On ne dit pas Abdul Mun'im. Ce nom n'a pas de, ou plutôt, on dirait que ce nom n'a pas de dalil. Je dirais plutôt comme ça, non. On rectifie. Ce nom n'a pas de dalil qui nous permet de l'affirmer comme étant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on a Al-Mannan. Al-Mannan. Fi ma'ana mutakarim. الآن لنرجي إلى هذا الإنعام. Cet إنعام, c'est-à-dire l'accord de bienfaits est de plusieurs sortes. العام لجميع المخلوقات والخاص لبني آدم. On a le général qui est pour toutes les créatures et celui qui est spécifique pour les fils de Adam, les humains. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons certes honoré les fils de Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. Et nous avons créé l'homme d'une forme parfaite. Et ça, c'est à la umum, ou à dire umum, l'il-bachar. Mais il y a encore plus d'honorabilité accordée pour ses serviteurs, al-khas. Nous sommes tous à la base des ribas d'Allah, azawajal. Mais il y a ceux qui sont soumis malgré eux. في إرادة الله الكونية يونا لعباد الخاص qui sont soumis à الله عز وجل كورزيام et ceux-là sont les مؤمنون والعبادة من أصلها شكر l'adoration en fait de base c'est un remerciement. C'est un remerciement. L'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, il a dit « فَإِنَّ أَشُكْرَ لِلَّهِ وَرَاسِ الْعِبَادَةِ وَأَصْلَ الْخَيْرِ وَوَاجِبْ عَلَى الْعِبَادِ فَإِنَّهُ مَا بِالْعِبَادِ مِنْ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ وَلَا بَاطِنَةٍ خَاصَةٍ أَوْ عَامَّةٍ إِلَّا مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالْحَسَنَاتِ وَيَدْفَعُ السُّوءَ وَالسَّيِّئَاتِ فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يُبْذَلَ لَهُ الْعِبَادُ وَيَبْذَلُ لَهُ الْعِبَادُ مِنَ الشُّكْرِ ما تسير إليه قوامهم ولا العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. Il dit justement le remerciement envers Allah Azawajal, c'est le summum de l'adoration et c'est la base de tout bien et c'est une obligation, un devoir pour le serviteur, car aucun n'a reçu de bienfaits, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient cachés, qu'ils soient spécifiques ou qu'ils soient généraux, si ce n'est qu'ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui apporte le bien, qui apporte les bonnes choses, celui qui repousse le mal et les mauvaises choses. Donc, il est celui qui mérite que les serviteurs lui accordent et lui vouent le remerciement. Ce qui leur permettra justement de se renforcer. Donc le serviteur doit s'efforcer autant que possible d'atteindre les moyens qui lui permettent de pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu subhana wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalamun kafar. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. La zalamun kafar. Al-Baghawi dans son tafsir de ce verset, yaqul a'taakum ashya'a ma talabtumuha wa ma sa'altumuha. Wa in ta'uddu ni'matallah ay ni'amillah la tuhsuha ay la tutiku 'addaha wa la al-qiyam bi shukriha. Il a dit que Allah vous a donné toutes choses, même les choses que vous n'avez même pas demandé. Et c'est vrai que ce qu'on a demandé, ce qu'on n'a pas demandé est plus nombreux que ce qu'on a demandé. On a juste à voir notre corps, comme nous sommes formés, tout ce qu'il y a en nous, le corps humain en lui-même, juste ça. Est-ce que quelqu'un a demandé à ce que ce corps soit tel qu'il est? Personne ne l'a demandé, pourtant Allah nous l'a accordé comme ça. Cet organisme qui est incroyable, qui jusqu'à aujourd'hui renferme des secrets que nous n'avons pas encore pu atteindre. Donc ces bienfaits nous sont indénombrables. Tout comme il ne nous est pas possible de les remercier tous à leur valeur. Dans sa parole, « Inna l'insan la zalamun kafar » que certes l'humain est injuste et ingrat, « Ay zalimun l'nafsihi bil ma'asiyah kafirun bi rabbihi azza wa jal bini'ami » que l'être humain, il est injuste et ingrat, injuste envers lui-même par les désobéissances qu'il commet, et ingrat envers son Seigneur pour les bienfaits qu'il reçoit. وَقِيلَ الظَّلُومَ الَّذِي يَشْكُرُ غَيْرَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ. Il a été dit que le ظَلُوم, l'injuste, c'est celui qui remercie autre que celui qui était bienfaisant envers lui. وَالْكَافِرْ مَنْ جَحَدَ مُنْعِمَ. Et le kafir, le cerf là, c'est l'ingrat, c'est celui qui aura renié son bienfaiteur. يَقُولِ ابْنُ تَيْمِيَّ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى فَذَكَرَ أَنَ الْإِنسَانَ ظَلُومٌ كَفَّارٌ فَلَا يَشْكُرُ نِعَمَ اللَّهِ الَّتِي لَا تُحْصَى فَبَيَّنَ أَنَ الشُّكْرَ مِنَ النُّورِ وَالْإِيمَانِ وَضِدُّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالْكُفْرِ. Il a dit Ibn Taymiyyah par rapport à ce verset, qu'Allah Azzawajal a décrit l'homme comme étant injuste et ingrat, car il ne remercie pas justement ses bienfaits qui sont indénombrables. Et Allah a clarifié que le remerciement fait partie de la lumière et de la foi. Alors que son opposé, ce sont les ténèbres et l'ingratitude, la mécréance. وَذَلِكَ لِيَنَّ الشُّكْرَ أَصْلَهُ وَالْإِعْتِرَافُ بِإِنْعَامِ الْمُنْعِمْ عَلَى الْوَجْهِ عَلَى وَجْهِ الْخُدُوعِ. Car la base, c'est que le remerciement, c'est le fait de reconnaître la bienfaisance du bienfaiteur, cela avec l'humilité. فَمَنْ لَمْ يَعْلِفْ الْنِعْمَةَ بَلْ كَانَ جَاهِلًا لَهَا فَهُوَ فِي الظُّلُمَةِ الْجَهْلِ. Et celui qui n'arrive pas à voir les bienfaits, d'accord, alors lui c'est un ignorant, il est dans les ténèbres de l'ignorance. وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْلِفْ الْمُنْعِمْ بِهَا كَانَ كَذَلِكَ. Quant à celui qui voit ses bienfaits, mais ne reconnaît pas le bienfaiteur qui a accordé ses bienfaits, lui aussi, il est dans les ténèbres de l'ignorance. وَمَنْ عَرَفَ نِعْمَةَ وَالْمُنْعِمْ بِهَا لَكِنْ جَهَدَهَا كَانَ يَجْهُدُ كَمَا يَجْهُدُ الْمُتَكَبِّرُ نِعْمَةَ الْمُنْعِمْ عَلَيْهِ فَقَدْ كَفَرَهَا. Quant à celui qui reconnaît les bienfaits, qui reconnaît le bienfaiteur, cependant il le renie, est un exemple de l'orgueilleux. Et lui, c'est celui qui aura été également ingrat envers ses bienfaits. وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَاعْتَرَفَ بِهَا فَهُوَ أَوَّلُ الشُّكْرِ. Quant à celui qui les aura admises, qu'ils aura reconnu, alors ça c'est le début du remerciement. Reconnaître déjà le bienfait. Et reconnaître le bienfaiteur. Al-Mun'im ou Allah Azawajal. Comme on dit, le Mun'im, là, dans le sens qualificatif et non pas nominal. Had al-Kufr. De base, le Kufr, il a pour sens l'ingratitude. L'ingratitude. Dans le Coran, le Kufr, comme l'a dit Ibn Jawzi, il est venu dans cinq sens. يقول ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه أحدها الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون. Premier sens que les gens du tafsir ont donné au kufr, c'est le fait de mécroire en le tawhid. Lorsqu'Allah dans le Coran dit dans le sens, et ceux qui ont mécru, peu importe que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Là, c'est le kafir, le mécréant. Deuxième sens, kufran an ni'ma, ce qu'on appelle l'ingratitude. Minhu qulu ta'ala, واشكروني ولا تكفرون. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrat. Là, le kufr, c'est le fait d'être ingrat. والثالث التبري. Troisième sens, c'est le désaveu. ومنه قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. Et ensuite, le jour de la résurrection, vous vous désavouerez les uns des autres. والرابع الجحود. Quatrième sens, c'est le reniement. Je pense qu'on dit comme ça en français. ومنه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Lorsque leur est parvenu ce qu'ils connaissaient, ils l'ont renié. Ils l'ont rejeté. Et le khamis, enfin, ou le khamis a tortilla. Cinquième sens, c'est le fait de recouvrir. Wa minhu qawlu ta'ala a'jaba al-kuffar nabatuhu. Dans le sens où Allah dit, la végétation qui en vient a émerveillé les cultivateurs. C'est-à-dire, yuridu az-zurra'a allazina yughattun al-hab. Il veut dire par là, les kuffars dans ce verset-là, ce ne sont pas les mécréants ou autres, ce sont les cultivateurs, ce sont ceux qui enterrent les graines. C'est le fait d'enterrer une chose. Wa qala al-Minawi, al-kufru tortiyat ma haqqahu al-izhar. Il a dit le kufr, c'est le fait de cacher une chose qui mérite d'être divulguée, d'être mise en avant en évidence. Wal kufran sitr ni'matil mun'im bi tark shukriha. Donc là il dit le mot kufr, kafara, c'est le fait de cacher une chose qui doit être apparente. Et kufran, là on rajoute un alif et un nun, c'est plus pour le sens de l'ingratitude. Et en délaissant le remerciement du bienfait reçu. Wa a'zam al-kufr juhud al-wahdaniyya wa al-nubuwa aw al-shari'a. Et la pire forme de kufr qui soit, c'est justement le fait de renier l'unicité d'Allah azza wa jall, ainsi que la prophétie et ainsi que sa législation. Wa lafz al-kufran fi juhud an-ni'ma akthar isti'malan. Quand on fait de dire kufran, en général, cela est plus employé pour le sens de ingratitude. Ou al kufr fi din akthar. Et par contre, le kufr, quand il vient tout seul comme ça, le plus souvent, c'est pour la religion. Ou al kafur fi hima jami'an. Et le mot kafur, il vient pour les deux. On dit kafur pour le mécréant, le grand mécréant, et kafur pour le grand ingrat. Ou hukm al kufr zakara ibn Hajar annahu min al kaba'ir. Et là, on parle de quel kufr ? On parle de l'ingratitude, comme c'est le sujet de cette intervention. En premier lieu, car l'ingratitude également englobe le sens de la mécréance, comme cela va venir. Donc, cela est parmi les grands péchés, parmi les pires péchés. Car l'adoration, c'est un acte de reconnaissance, un remerciement. Nous en sommes redevables envers Allah Azzawajal. Et ce mot redevable, il est faible. Voilà, il est faible. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Que Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur, c'est-à-dire l'intelligence, la raison, afin que vous soyez reconnaissants. Kulu wallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes très peu reconnaissant. Donc le shirk, c'est du kufr al-ni'ma. Le shirk, c'est l'ingratitude en soi. Yaqul al-shirk ibn Baz rahmahullah ta'ala, wa man sarafa al-ibadata li ghayrillahi kamma sarafaha lil-jinn aw al-mala'ikati aw lil-badawi أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه ونقض بذلك قوله تعالى لا إله إلا الله أو قوله لا إله إلا الله وكفر بنعم الله التي أنعم بها عليه بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم كفر للنعم وذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Il a dit, celui qui tourne l'adoration pour autre que Allah, comme celui qui, par exemple, qui viendrait à adorer les djinns ou les anges, ou El Badawi, c'est un homme qui a été pris en adoration. Ou alors El Hussein, ou autre, parmi les créatures, aura associé à Allah autre que lui. Et celui qui aura adoré avec Allah autre que lui, celui-ci aura annulé le sens de La ilaha illallah. Il aura mécru, ou plutôt l'aura été ingrat envers les bienfaits d'Allah Azzawajal. Donc ça revient à ça, l'ingratitude. Ces bienfaits qu'il lui accordait comme la santé. La santé. Également, il aura mécru en les messagers, et particulièrement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la plus grande forme d'ingratitude qu'il soit. Dans le sens où Allah a dit, pour cela, car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala, yaqul, al-ibada shukru ni'mati alayka. L'adoration, c'est le fait de remercier Allah pour ses bienfaits sur toi. Il le mérite. Allah nous a rappelé quelles furent les conséquences des communautés qui furent ingrates envers ses bienfaits. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ. Il y avait assurément pour la tribu de Saba, et Saba c'est un secteur qui se trouve au Yémen, dans la région de Marib, il y avait un signe dans leurs habitats. Deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلِ خَطْمٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Mais ils se sont détournés. Nous déchaînâmes contre eux alors l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamari et quelques jujubiers. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَالْمُجَازِي إِلَى الْكَفُورِ. Ainsi, nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Serions-nous sanctionnés un autre que le mécréant? Et il en est de même pour qui refuse le message des envoyés. Comme a dit Allah, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَغَذَّهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Que Allah a donné en exemple une contrée qui était apaisée, qui était en sécurité et dont la subsistance lui parvenait de toutes parts, mais elle a mécru ou a été ingrate envers les bienfaits d'Allah Azzawajal. Alors Allah lui a fait goûter la peur ainsi que la faim pour ce qu'ils ont commis. Et un messager d'entre eux leur est venu, mais ils l'ont démenti. Alors Allah les a pris par le châtiment, alors qu'ils étaient injustes. À la base, ce verset est descendu spécifiquement pour Mecca. Mais lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, vous savez comment Quraysh, au début, ont réagi vis-à-vis de lui. Donc voici la pire ingratitude, celle envers Allah, puis celle envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui ont un droit, cela les concerne. Par exemple, il y a celle envers les parents, qui ont été la cause de notre présence sur terre, et à qui on doit tout seulement par la grâce d'Allah Azzawajal. D'où le fait que Allah subhanahu wa ta'ala cite leur droit après le sien dans maintes versets. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُن لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'entre eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne dis point le fait de souffler en disant « et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses et douces. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, c'est-à-dire en invoquant, « Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Donc tes parents, de base, surtout ta mère qui t'a porté, qui t'a enfanté, qui a souffert, par la suite ton père qui a dépensé pour toi, qui ont fait des sacrifices pour toi, qui t'ont éduqué, et ainsi de suite, ils méritent ce droit qui est immense. Et quand bien même tes parents t'auraient abandonné, t'auraient maltraité, t'ont pas occupé de toi ou quoi, le simple fait que tu sois présent sur terre, c'est eux la cause. C'est eux la cause. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que leur droit, principalement le père, ne le serait rendu qu'en le trouvant esclave, puis de le racheter pour le libérer. À ce moment-là, tu auras peut-être rendu le droit de ton père. Ibn Omar, radiallahu anhu, avait vu un homme qui portait sa mère sur son dos en faisant le tawaf autour de la Kaaba. Et cet homme a demandé à Ibn Omar, lui ai-je donc rendu son droit? Il lui dit, tu ne l'as même pas rendu un coup de pied que tu l'as mis dans le ventre. Vous savez, le fœtus dans le ventre de la mère, il donne des coups, ce qui fait mal à la mère. Il lui dit, même pas un coup de pied tu l'as rendu en faisant ce que tu as fait là. Imaginez-vous, c'est quoi faire le tawaf avec quelqu'un sur son dos? Et pourtant, non. Ce n'était que peu par rapport à ce que sa mère a souffert pour lui. Pourtant, sommes-nous à la hauteur de ce droit de le rendre? Donc de là, il nous revient de leur obéir, bil ma'rouf, du mieux qu'on peut. C'est comme cela qu'on tente au mieux de les remercier. Et bien sûr, plus ils sont proches d'Allah Azawajal, et plus on se doit d'être un soutien pour eux. Bien évidemment. Car il y aura en plus l'amour shad'i, du fait qu'ils soient des croyants, qui plus est, peut-être même des gens de la sunna, des gens salihoun, des gens mustaqimoun, et ainsi de suite. Et tout particulièrement la mère, qui a le droit à la meilleure compagnie. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'd ma su'ila, man haqqa an-nas bi husn suhbati, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abuk. Parce qu'il est interrogé par ce sahabi qui lui a dit qui est la personne qui a le plus le droit d'avoir ma bonne compagnie. Trois fois l'interrogé, il a dit ta mère, ta mère. Et la quatrième, il a dit ton père. On a de cesse de citer également le choukr dont doit faire preuve l'épouse envers son époux. D'ailleurs, une épouse qui ne remplisse pas son rôle envers son époux a été nommée comme étant, c'est-à-dire cet acte, comme étant du kufr. Comme ce fut rapporté dans Al-Bukhari, selon Abbas, quand la femme de Thabit ibn Qais s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, Thabit ibn Qais, ma a'tib alayhi fi khulukin wala dinin walakinni akrahu al-kufra fi l'islam. » Elle a dit « Oh, Messie d'Allah, je ne reproche pas à Thabit ibn Qais quoi que ce soit dans son comportement ni en religion. Cependant, je crains le kufr dans l'islam. » Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu veux lui rendre son jardin, c'est-à-dire le mahr qu'il avait donné? Quand elle a dit na'am, elle a dit oui. Et il a dit à Thabit, accepte d'elle et libère-la, c'est-à-dire divorce-la. En fait, c'était un khula, une séparation venant d'elle. Yaqul al-hafiz, walakinni akrahu al-kufr fi l'islam, yahtamil an turid bil-kufri kufran al-ashir. Il a dit, cela peut avoir pour sens le kufr, c'est-à-dire l'ingratitude dans la vie conjugale, du fait d'être négligente, que la femme soit négligente envers les droits de l'époux. وَاَطِيبِ الْمَعْنَا أَخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ فِي الْإِسْلَامِ مَا يُنَافِي حُكْمَهُ مِنْ نُشُوزِ وَفَرْقٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا يَتَوَقَّعْ مِنَ الشَّابَّةِ الْجَمِيلَةِ الْمُبْعِزَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ بِالضِّدِّ مِنْهَا. Il a dit également, comme autre sens, c'est le fait que elle dit, en fait, j'ai peur en islam d'agir dans ce qui va à l'opposé de la religion. Comme par exemple, al-nushuz. Le nushuz, c'est la forme de rébellion. Et autre, comme chose que l'on peut souvent pressentir d'une jeune fille belle dont l'époux, lui, est à l'opposé. C'est-à-dire, elle est belle, elle est jeune, et son époux, lui, ne l'est pas. Il n'est pas beau, par exemple. Ou il n'est pas jeune. Donc de là, elle peut en se retrouver de la répulsion, ce qui l'amènera à ne pas pouvoir lui rendre son droit comme il se doit. Donc cela a été nommé kufr. Et combien de hadiths explicites à ce sujet, dont celui rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, lorsqu'un chameau vint se prosterner devant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Là, les sahabas, ils ont dit, « Ya Rasulallah, hadhi bahimatun, la taqil, tasjudulak, wa nahnu naqil, fa nahnu ahaku anasjudulak. » Ils ont dit, « Ô messager d'Allah, ça c'est un animal qui ne raisonne pas, il se prosterne pour toi. Et nous, nous raisonnons. Donc nous sommes plus en droit de nous prosterner pour toi. » Il a dit, il ne convient pas à ce qu'un humain se prosterne pour un humain. ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. Il a dit, et si jamais un humain aurait dû se prosterner pour un humain, j'aurais ordonné à la femme de le faire pour son époux, pour l'immensité du droit qu'il a sur elle. ثم قال والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس أي تتفجر بالقيش والصديد ثم استقبلته فلاحظته ما أدت حقه. Il a dit, je jure par celui dont mon âme est dans sa main, que si jamais son homme, c'est-à-dire cet homme, son mari, était atteint d'une blessure du bas de ses pieds contre sa tête, de laquelle sortirait du pu et autres, et qu'elle viendrait à le nettoyer en le léchant, elle n'aurait pas rendu son droit. Donc là, c'est un exemple qui est extrême. Bien que cette situation-là n'arrive pas. Mais c'est pour montrer l'importance de la chose. Et pourtant, pour moins que cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les femmes. Et d'ailleurs, il a employé le mot kufr pour définir la gratitude dans la relation conjugale. Qal takfurna al-ashir. C'est-à-dire, vous êtes ingrate envers les époux. Lorsqu'il leur a dit qu'elle représentait la majorité des gens du feu et la minorité des gens du Jannah. Et les femmes du Jannah, ce sont celles qui ont justement ce tawadhu, cette modestie, cette bonne moralité, cette humilité de l'admettre. D'admettre ces hadiths-là, d'admettre ces situations-là. Car la modestie et l'humilité font partie des sifats des gens du Jannah, de façon générale, hommes comme femmes. Contrairement à l'orgueil et à l'arrogance, qui elles sont les sifats des gens du feu. Donc les femmes qui ont eu le tawfiq de pouvoir comprendre cela doivent remercier Allah Azawajel. Et surtout doivent patienter si malheureusement leur époux, lui, n'est pas en mesure de réaliser le bienfait qu'Allah aussi lui a accordé par cette épouse noble et saliha qui est promise au Jannah. Car nombre de sœurs, justement, sont elles-mêmes parmi les gens qui seront du Jannah pour l'effort qu'elles mettent à vouloir appliquer ces ahadiths et accepter le jugement, sachant que cela vient d'Allah, Azawajal. Malgré cela, elles sont éprouvées par des époux qui ne sont pas à la hauteur de ces efforts. Eux-mêmes sont ingrats. Donc, elle, il leur revient de quoi? C'est leur épreuve de patienter par rapport à ça, autant que possible. Quant aux autres, celle qui n'arrive pas à s'y faire et à l'admettre, elle ne s'amuse qu'à elle-même. Elle se gâche leur propre vie, malheureusement. Toujours, minel hukuk, on peut ajouter les droits des ulama rabbaniyin, des savants. Car leur présence, c'est une ni'ma, une rahma, ou une daroura. C'est une nécessité. Ils sont ceux qui nous rappellent et nous enseignent avec clairvoyance, justement, ces points-là dont on parle là maintenant, là, dont on a besoin, et bien d'autres. Les dénigrer et les mettre en marge est un acte d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah Azawajal, car ces ulama, hum warazat al-anbiya, sont les héritiers des prophètes. Yaqulu subhana, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas, wa ma yaqiluha illa al-alimun, que telles sont les paraboles que nous proposons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Dans le Coran, sans les savants, trop de versets ne seront pas compris et assimilés. Ce qui pourrait nous coûter de nous perdre. Donc Allah Azawajal en a fait un sebeb de hidayah, de guider pour nous. D'où le fait qu'il ait ordonné subhanahu wa ta'ala de leur obéir. Fi qawlihi, ya ayyuhallazina amanu wati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et il y a ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Dans le tafsir, Les ulama ils disent que cela est valable pour le gouverneur et même pour les ulama, voire même que les ulama sont plus en droit d'être obéis que les gouverneurs. Car de base, le alim t'emmène vers Allah Azawajal, plus que le gouverneur. Et malgré tout, même le gouverneur, c'est une ni'ma qu'on doit remercier, car sans gouverneur, ce serait le désordre sur terre. Donc ils sont également bienvenus dans Allah Azawajal. Même s'ils peuvent être injustes, et on parle du gouverneur musulman. Et tout ce qu'on vient de dire là, par rapport aux gens qui doivent être remerciés, vous le savez, c'est réuni en un hadith. Man, lam yashkur linnas, lam yashkur lillah. N'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. Qala al-Khattabi, wa hadha yata'awwalu ala wajhain. Ahaduhuma anna man kana min tab'ihi wa 'adatihi kufran ni'mat an-nas wa tark ash-shirki al-shukri lim'alufihim kana min 'adatihi kufran ni'mat Allah ta'ala wa tark ash-shukri lah. Il a dit ce hadith, on l'interprète de deux façons. La première, c'est que celui qui est de nature de base, personne qui est de base, a renié les bienfaits des gens et de ne pas les remercier pour le bien qu'ils lui ont accordé, il sera dans son naturel d'être ingrat envers les bienfaits d'Allah Azawajal et de ne pas le remercier également. Ça va ensemble. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. Il a dit que ce hadith peut être compris d'une autre façon, c'est que Allah Azawajal ne remercie pas, plutôt n'accepte pas le remerciement d'un serviteur pour le bienfait qu'il lui a. C'est-à-dire que Allah n'accepte pas qu'un serviteur le remercie. D'accord? Tant que ce serviteur n'aura pas remercié le bienfait, la bienfaisance dont les gens auront fait preuve envers lui. Car l'un va avec l'autre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont faire des actes pour remercier Allah Azawajal, mais ils ne vont pas remercier les hommes. Et bien Allah Azawajal, ce remerciement, il n'accepte pas. Car les gens, en fait, ils auront sauté une étape. Ils auront perdu une condition. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait du bien, qui vous a fait du bien, alors ce bien-là, il faut le compenser, tenter de lui rendre. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre, alors invoquez pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous avez été justement vous avez été équitable envers lui. Vous savez, le fait de dire Jazakallah khayran, c'est un dua qui est immense et qui peut apporter un grand bien à la personne. De simples mots prononcés sincèrement peuvent apporter et changer la vie de quelqu'un. Là, il y a une question qu'on voudrait évoquer. Qui était posé à Shir Ibn Uthaymin par rapport au bien matériel, l'argent. Est-ce que cet argent est un bienfait ou une épreuve? Car vous savez, cet argent-là est une cause de bien pour des gens, mais en général, ça fait plus de mal. Fa'ajaba rahimahullah ta'ala. Al-mal la shak annahu min ni'amillahi 'azza wa jalla walakin kull ni'matin min Allah فإنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Il a dit que l'argent, il ne fait aucun doute que cela est parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal. Cependant, tout bienfait d'Allah Azzawajal peut également être une épreuve. Dans le sens où il dit, dans le sens, nous vous éprouverons par le mal et le bien et c'est vers nous que vous reviendrons. Que vous reviendrez, Afwan. C'est vers nous que vous reviendrez. Wa qala azza wa jal an Sulayman alayhi salatu wa salam hina ahdara indahu arsh. Il a dit Bilqis, mais bon. Qala hadha min fadli rabbi li yabluwani ay ashkuru am akfur. Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dans le sens où Allah dit à propos de Sulayman alayhi salam lorsqu'il a fait venir le trône de la reine de Saba. L'auteur l'a appelé, Cheikh Al-Fahmi l'a appelé Bilqis, mais en réalité, il n'y a pas de dalil authentique qui disent que son nom était Bilqis. C'est une chose qui est connue chez les gens, qui s'est répandue, mais qui n'a pas de preuve à l'appui. Donc dans le verset là, il dit que Souleymane, il a dit, cela est parmi la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver, est-ce que je remercie ou est-ce que je suis ingrat. Celui qui remercie, il ne remercie que pour lui-même en réalité. Et celui qui est ingrat, que Allah azawajal est riche et noble. C'est-à-dire que Allah se passe en réalité de ton remerciement. On n'en a pas besoin. Mais si tu remercies, c'est pour toi en fait. فَالْمَلْ نِعْمَةٌ مِنَ النِّعَامِ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهَا الْعَبْدِ هَلْ يَشْكُرُ اللَّهُ عَزَ وَجَلْ عَلَى هَذِي النِّعْمَةِ وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي تَوْعَةِ اللَّهِ أَمْ يَكْفُرُ هَذِي النِّعْمَةِ وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي مَعَاصِ اللَّهِ. Donc cet argent, ces biens, sont un bienfait d'Allah Azza wa Jal, par lequel il éprouve son serviteur pour voir est-ce qu'il va remercier ses bienfaits en les employant dans l'obéissance d'Allah. Ou est-ce qu'il sera ingrat en utilisant ses bienfaits dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كان الأول فإنه شاكر والله سبحانه وتعالى يجزي الشاكرين يجزيهم فضلا في الدنيا وفي الآخرة كما قال سبحانه وتعالى ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Donc il fait partie de la première catégorie des gens, c'est-à-dire ceux qui remercient les bienfaits en les utilisant dans le halal, alors Allah Azzawajal va le rétribuer en bien par sa grâce dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans le sens où Allah dit, et que ton Seigneur a proclamé que si jamais vous remerciez, je vous rajouterai. Donc remercier est une cause d'obtention du rizq et de la baraka et du surplus. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي كَفَرَ النِّعْمَةَ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ كَفُورٌ بِهَا وَاللَّهُ يَقُولُ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quant à la deuxième sorte de personnes, ceux qui l'ont utilisé dans le mal, lui sera parmi ceux qui auront été ingrats qu'elle aura utilisé dans le péché. Donc lui, c'est un ingrat. Et dans le sens où Allah il a dit, et celui qui est ingrat, mon châtiment est très dur. وليعلم من أنعم الله عليه من المال ثم كفر هذه النعمة وبقي متنعما بها أن هذا لا يدل على رضا الله عنه بل إن هذا استدراج من الله تعالى له والله سبحانه وتعالى يقول له الحكمة فقد يهمل الظالم ويستدرجه بالنعم حتى إذا أخذه ولم يلفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ولم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Maintenant, il faut que celui à qui Allah Azza wa Jal a donné le bienfait de l'argent, puis a été ingrat avec ce bienfait, c'est-à-dire en l'utilisant à mal escient, et malgré cela, les biens continuent à affluer auprès de lui, il voit que ses biens s'accroît et se multiplient, qu'il ne se dise pas que cela montre que Allah l'agré, sûrement pas. Mais cela est un estidraj. C'est-à-dire que Allah Azzawajal l'amène par échelon, malgré lui, vers son châtiment. Et Allah Azzawajal, c'est lui qui a la sagesse. Il sait des fois, comment dirais-je, c'est comme si tu t'as moadoué le zolim, tu laisses faire son zulm pour le saisir plus tard. Mais au moment où il le saisira, son châtiment sera insurmontable. Dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque Allah azawajal veut laisser un injuste, ça veut dire accumuler ses fautes, jusqu'au jour il va le saisir et ne le sera aucune échappatoire. Puis, il reste à la parole d'Allah dans le sens où il dit, c'est de cette façon que ton Seigneur saisit. Et lorsqu'il saisit une contrée, alors qu'elle est injuste, alors sa saisie est douloureuse et dure et sévère. Donc, en même temps, ne peut être leurré, car ce qui pourrait être paraître comme étant un bienfait qui en est un de base, en réalité n'en est pas un pour beaucoup de personnes. Ne pas croire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne à quelqu'un des biens, cela est une marque d'amour, car vous savez qu'aujourd'hui, les gens les plus riches sont loin d'être les meilleurs. Et dans le Coran, les gens les plus riches cités, comme Karoun et Fil'aoun, étaient les pires des hommes. Mais ça demande une clairvoyance, savoir quand c'est une ni'ma et quand est-ce que c'est un istidraj. Et ça, tu le sais comment? Par la personne. Si tu vois que ce bienfait, il s'en sert dans le bien, et que cela se multiplie, alors c'est un bienfait pour lui. Mais si on voit que cela se multiplie alors qu'il est dans le mal, alors cela est un istidraj pour lui. فيكمل يقول فليحذر الذي انعم الله عليه بالمال ان يستعمله في معصيه الله عز وجل وليكن شاكرا لربه قائما بما اوجب الله عليه في هذا المال من زكاه ونفقات واجبات وغير ذلك مما تقتضيه الادله الشرعيه. Donc que prenne garde celui qui reçoit des bienfaits de l'argent, de ne l'utiliser dans la désobéissance et qu'il soit reconnaissant envers son Seigneur en appliquant ses obligations avec cet argent, comme payer la zakat, faire les dépenses pour les gens qui méritent de recevoir des dépenses obligatoires et autres, parmi ceux qui est basé sur une preuve dans lequel cet argent doit être déversé. Ce qui n'empêche pas de se, n'implique pas de se priver, si Allah Azzawajal lui a donné ses largesses, qu'il se mette à l'aise également. Car Allah aime voir les ni'mas qu'il a accordé à ses serviteurs sur eux. Mais ça reste dans le halal et dans le convenable. Donc on dit que cela est valable pour tout bienfait qu'Allah accorde au serviteur, qui par la suite est utilisé dans le haram. Ce n'est pas que l'argent. D'accord ? Le ilm non appliqué ou utilisé à des fins douteuses ou matérielles pour obtenir de la dunya va t'emmener dans ce jugement-là. La santé, le temps libre, qui sont parmi les plus grands bienfaits, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'matan marbouna fihi ou fihima kathir min al-nas, as-siha wal farah. Deux bienfaits dans lesquels les gens sont très négligents, c'est la santé et le temps libre. Et pourtant, combien d'entre nous utilisent cette santé et ce temps libre dans le mal ? Autant viendra un jour où les koufars diront « Ya laytani kuntu turaba » pauvre de moi que je n'étais de la terre, pour tout le mal qu'ils auront semé sur terre. Combien d'hommes richissimes souhaiteront avoir été pauvres ? Combien de gens voyants souhaiteront avoir été aveugles ? Des entendants et parlants souhaiteront avoir été sourds et muets. Certains souhaiteront avoir été paraplégiques, c'est-à-dire les grands athlètes, les sportifs que les gens, les adultes. Ils souhaiteraient avoir été des gens qui ni ne marchent, ni ne bougent, peut-être. Certains prétendus intellectuels souhaiteront avoir été des gens bêtes. Et... combien de célébrités souhaiteront avoir été méconnues ? Vivre dans une forêt, loin de tout le monde, en ermite. Combien de femmes belles souhaiteront avoir été laides et hideuses ? Tant de bienfaits qui ont été utilisés dans le mal, pour les gens de ce bas-monde. Car une ni'ma n'est une ni'ma que parce qu'elle t'aide à obtenir ce qui t'est profitable en ce bas-monde et pour l'au-delà. Sans quoi, en profiter pour autre que ces raisons-là, cela ne revient pas à la remercier. Yaqulu subhana وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو صراط مستقيم. Que Allah propose en exemple, en parabole, deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir, il est incapable et totalement à la charge de son maître. Quelque lieu où celui-ci l'envoie, c'est-à-dire son maître l'envoie, il ne rapporte rien de bon. C'est-à-dire, il ne sert à rien. Serait-il égal de celui qui ordonne la justice et qui est sur le chemin droit ? Il y en a, il ne fait que du mal. Et en plus, il n'est pas capable d'être indépendant alors que l'autre fait du bien. Et Allah dans le Coran, même dans la Sunna, beaucoup d'exemples sont donnés selon l'exemple du maître de l'esclave, car nous sommes les sujets d'Allah, Azzawajal. Mais bon, comme les hommes sont trop axés sur leur propre droit à eux-mêmes et en néglige celui du créateur, on va donner un autre exemple plus ciblé sur l'autre côté nombriliste, on va dire. Imagine-toi que tu es un employeur, que tu embauchais des gens qui étaient au chômage, qui n'avaient rien devant eux. Peut-être même désespérés de trouver un travail. À qui tu accordes l'opportunité de faire leur preuve. À qui tu accordes bien des privilèges dans le domaine du travail. Et puis, au sein du travail, tu les vois, ils charbonnent pour une autre entreprise que la tienne. Voire même une entreprise concurrente. Et puis, ils viennent prendre le salaire chez toi à la fin du mois. Tu vas accepter cela ? Jamais de la vie. Et au moment où tu voudras le licencier, le voilà qui se met à te faire des problèmes, enfin la grève, il veut t'emmener au prud'homme, voir les syndicats, je ne sais quoi, sous prétexte qu'il n'a pas droit à assez d'indemnisation ou autre. Comment tu vas réagir ? Tu l'appelles comment celui-ci ? Taïeb, autre exemple, on va dire plus proche de la réalité, parce que pas beaucoup d'entre nous sont des patrons. Donc on va donner un autre exemple. Imagine-toi, tu veux pour ton enfant un avenir prospère, mondain. Tu lui donnes de l'argent. Pourquoi ? Pour qu'il se paye des études. Halal, on parle halal bien sûr. Par cette étude, il y a à la clé un diplôme qui va lui ouvrir des portes, bismillah ta'ala. Cet enfant, il prend l'argent, il part en vacances avec, il dépense tout dans le futile. Je te parle même pas de haram. Il dépense dans le futile. Comment tu vas le prendre ? Une trahison, n'est-ce pas ? Et pire encore, cet enfant, tu le réprimandes pour cette bêtise qu'il a faite, c'est-à-dire cette dépense, ce côté dépensier dont il a fait preuve, et il se permet de te tourner le dos. Je ne te dis même pas qu'il te répond mal ou qu'il t'insulte, juste il te tourne le dos, c'est-à-dire ce que tu dis, voilà quoi, comme si ça ne touche pas. Et c'est à peine si tu dis à la fin, c'est bon, t'as fini, je peux y aller. Comment tu vas réagir, ton enfant te fait ça? Donc là, c'est à notre échelle en tant qu'humain. Comment on l'accepte pour nous? Et pourtant, on fait bien pire, et bien pire, et bien pire encore envers notre Seigneur. Vous devriez dénombrer les bienfaits d'Allah Azawajel, vous ne sauriez le faire. Est-ce qu'on va remercier pour des choses qu'on n'arrive même pas à concevoir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réalisable pour nous. C'est pour ça qu'Allah nous pardonne beaucoup. Alors que dire des bienfaits que l'on voit et que envers lesquels on est ingrat? Donc maintenant, on voit parmi les conséquences de cette ingratitude envers Allah, qui au final, il va nous priver de ses bienfaits. En nous faisant subir leur opposé. Tu auras droit à la mécréance à la place de la foi. Tu auras droit à la faiblesse à la place de la force. Tu vas subir la peur à la place de la sécurité. Tu auras l'angoisse à la place de l'apaisement. Tu auras la maladie à la place de la santé. Et tout ce qui s'ensuit. Vous avez l'exemple de ces trois des bannis sur leur île. Dont le Nabi s'en a donné un exemple. Qui avait le chauve, le lépreux et l'aveugle. Qui étaient pauvres. À qui Allah Azawajal envoyait un ange pour les éprouver. Lorsque l'ange a demandé au chauve qu'est-ce que tu veux, il a dit des cheveux. Une belle chevelure. D'accord ? Afin de ne plus être repoussant aux yeux des gens. Il lui a dit, quelle richesse tu préfères? Il a dit, les bovins, les vaches. Il lui a accordé une vache, en faisant un doha, que Allah lui mette la baraka. Par la suite, il a eu une grande vallée pleine de vaches. Le deuxième, qui était le lépreux, il lui a dit, cet ange, qu'est-ce que tu préférais avoir en ce bas monde? Il a dit, une belle peau. Afin que je ne dégoûte plus les gens. Il l'a touché, il a une belle peau. Il a dit, quelle richesse tu préfères avoir? Il a dit, les chameaux. Et de là, il lui fut accordé une chamelle pleine, qui par la suite mit bas, et il eut une vallée entière remplie de chameaux. Puis il est parti voir l'aveugle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais? Il lui a dit, que Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. C'est le seul qui a rappelé Allah Azzawajal. Que Allah, an yarud Allah alayya basari, fabsir al-nas. Que Allah me rende la vue afin que je vois les gens. Il lui a rendu la vue. Il lui dit, quelle richesse? Ce sont les préférés. Il a dit, les ovins, tout ce qui est chèvre, mouton. Il lui a donné une brebis qui était pleine, et de là, il a eu une vallée entière remplie de brebis et de moutons. Par la suite, cet ange est venu à chacun, sous l'apparence de chacun qu'ils avaient auparavant, en leur demandant de l'aide. Le chauve et le lépreux l'ont rejeté, n'ont rien donné, alors qu'ils étaient richissime, en disant, cet argent-là, je l'ai hérité de mes grands-parents, ainsi de suite. Ce n'est pas que à moi. Elle a dit, l'ange, in kunta kadhiba, fasayyaraka Allahu lima kunta. Si jamais tu es un menteur, qu'Allah te remette comme tu étais auparavant. Il est parti voir l'aveugle, lui poser la question, lui demander de l'aide. L'aveugle lui a dit, prends ce que tu veux, et laisse ce que tu veux, car je ne saurais te priver d'une chose qu'Allah Azawajal m'a donnée. Et de là, l'ange lui a dit, garde tes biens. C'était juste une épreuve pour voir comment tu allais réagir. Que Allah Azawajal a été en colère contre tes deux compagnons, alors que toi, il t'a agréé. Donc l'homme, il est comme ça. Dans le besoin, tu vois, il se rapproche. Une fois sa demande obtenue, qu'il était rassasié, il oublie. Il croit qu'il se passe. Et revient sur sa base qui est la gratitude. Il est man, rahimallah. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم للبر أردتم وكان الإنسان كفورا. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et qu'il vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. وَكَانَ الْإِنْسَانِ كَفُورًا. Très ingrat. Donc en premier, Allah te prive de ses bienfaits. Deuxième chose, non seulement il te retient les bienfaits, mais il les accorde à d'autres parmi ceux qui vont les accepter. كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَكْوَامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ. Il a dit le Nabi sallam que Allah Azawajal, il y a des gens qui seront particularisés par des bienfaits qui seront profitables aux autres. Ça peut être de l'argent, ça peut être du ilm, ça peut être plein de choses. D'accord ? Et que Allah Azawajal va les instaurer dans ce bienfait tant que ce bienfait sera dépensé pour profiter à autrui. Mais si jamais ils en deviennent avares, ils gardent tout pour eux, et ainsi de suite, que Allah Azza wa Jalla va leur retirer ce bienfait et va la donner à autrui. Et ça, ce fut le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car au début de sa da'wa, il était rejeté par son peuple, le Quraysh, à Mecca. Il dut s'en aller à Al-Medina, d'où il était accueilli par les Ansar. Donc c'est eux qui ont le privilège de l'avoir. C'est eux qui ont le privilège de l'avoir en leur sein, car par la suite il est resté à Al-Medina jusqu'à la fin de sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conséquences, on peut avoir également, car là t'éprouve par le diffère, l'hypocrisie dans le cœur. Celui qui ne remercie pas après avoir reçu ce qu'il souhaitait avoir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعَادَ اللَّهِ لَيْنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَا صَدَّقَنَّا وَلَنَا كُنَّنَّا مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخَلُوا بِهِ وَتَوَلَّوُوا مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبُوا مِنْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ لَيَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْرَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et parmi eux, il en est s'ils avaient pris l'engagement envers Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes l'aumône, la zakat, et nous serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. L'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, yaqul fi tafsir hadhihi al-aya, فَلْيَحْذَرَ الْمُؤْمِنُ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ الشَّنِيعِ أَنْ يُعَاهِدَ رَبَّهُ إِنْ حَصَلَ مَقْصُودُهُ الْفُلَانِي لِيَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ لَيُفِي بِذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَقَبَهُ اللَّهُ بِالنِّفَاقِ كَمَا عَقَبَ هَؤُلَاءِ. Il a dit que le croyant doit prendre garde de cette répugnante caractéristique qui est de prendre un engagement envers Allah et que s'il accorde ses attentes, il fera telle et telle chose. Puis il finit par enfreindre son engagement après avoir reçu ce qu'il voulait avoir. Il est fort probable que Allah Azawajal le châtie par l'hypocrisie comme ce fut le cas de ces derniers. Tu demandes à Allah qui te donne, et si Ami te donne, tu feras telle et telle chose. Allah t'a donné une fois que la chose était venue, tu n'as pas agi. Allah, il a donné un exemple similaire à l'ingratitude de l'homme après avoir reçu ce qu'il souhaitait. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ مُّوَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا الصَّالِحَةَ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se retrouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur, « Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. » Puis lorsqu'il leur a donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est au-dessus des associés qu'il lui assigne. Des ulama On dit que ce verset-là était descendu sur Adam et Hawa, qu'ils essayaient d'avoir un enfant, et à chaque fois que Hawa essayait d'avoir un enfant, elle faisait une fausse couche. Et à chaque fois que Iblis venait la voir, elle disait, sur la présence d'un homme, il disait, appelle-le Abul Harith, si jamais tu fais cela, il sortira vivant. Sans quoi, je lui mettrai des cornes de cerf qui te déchireront le ventre. Et à force de faire des fausses couches, elle a fini par obéir à Shaitan, à Iblis, et de là, ils eurent un enfant, en appelant Abul Harith, qui est un nom de Shaitan, l'Iblis. Attribuer cette cause de descente du verset sur Adam et Hawa est faux, barat-il, car déjà les Anbiya, ils sont infaillibles face au shirk. Jamais ne font de shirk, c'est pas possible. Secondo, il n'est pas possible qu'un homme vienne leur parler, car Iblis est venu sous la forme d'un homme, pour les menacer. Quel homme serait présent alors qu'à la base les hommes sont la descendance de Adam et de Hawa? Donc il sort d'où cet homme? D'où il vient? Ce n'est pas possible. Et troisième chose, Shaitan n'a pas le pouvoir de changer la création. Et Adam le sait. Car ça c'est du shirk dans le Rububiyya. C'est Allah qui peut donner la forme et rendre les créatures de telle et telle manière. Donc croire cela, on était du shirk dans le Rububiyya et Adam en est préservé. Donc en réalité ce verset est descendu sur d'autres de sa descendance. D'autres de sa descendance qui voulaient un enfant. Et une fois que l'enfant ils l'ont obtenu, par cet enfant ils ont fait du shirk. Wal'azubillah. Donc on dit, ne sois pas surpris de voir des gens avoir demandé à Allah une ni'ma, puis au final ne pas le remercier en reniant cette ni'ma. Et ces gens-là, tu vas les voir finir par être éprouvés dans différentes manières dans leur vie, dans leur dîn. Ya Rabbi, je veux l'ilm. Il faut qu'il ait du ilm. Il s'enfle d'orgueil et va jusqu'à dénigrer son propre cheikh, ses enseignants. Ya Rabbi, je veux faire la hijra dans tel pays. Pour finir par haïr ce pays, le critiquer à outrance. Et on va sortir en claquant la porte. Et vouloir le quitter à tout prix. Ya Rabbi, je veux me marier avec une femme de telle et telle manière. Une fois que cette femme, il a obtenu cette femme-là, il la maltraite, la néglige, et ainsi de suite. Ou la femme qui dit, je veux un frère de telle et telle manière. Une fois que le frère, elle l'a eu, c'est que des plaintes, des critiques incessantes, un manque de respect, puis elle demande la séparation pour des causes futiles. Ya Rabbi, artini. Ya Rabbi, artini. Oh mon Seigneur, donne-moi. Une fois qu'Allah te donne, qu'est-ce que tu fais? Tu renies ce bienfait. Salbani Israël, comme atteignons une ayat bayyina, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, fa inna Allaha shadidul 'iqab. Demande aux fils d'Israël, combien leur avons-nous donné de signes, et celui qui change un bienfait d'Allah après qu'il soit parvenu, que Allah est dur en châtiment. Alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qawmahum dar al-bawar. Ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah Azawajel contre la gratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Donc les gens qui sont ingrats vers le bienfait, tu les vois, se retrouver eux, même leur foyer, en situation difficile. Le mushrik a remplacé la ni'ma du tawhid par le shirk, à la kufr ni'ma. Le mubtadir a changé la ni'ma de la sunna par celle de la bid'a. Kufr ni'ma. Changer la sharia par le régime humain, ne pas appliquer le mot d'Allah Azawajel, kufr ni'ma. D'ailleurs, Allah a dit, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Et là, c'est également kufr asrar, c'est-à-dire c'est de l'ingratitude. Ingratitude vers cela. Et après, ça peut être du kufr majeur en fonction du détail que vous connaissez. Changer l'identité islamique pour celle des kuffars en leur ressemblant et se mettre à leur niveau, kufr ni'ma. Changer les rapports intimes dans le halal. Hein, par le mariage, en assouvissant ses besoins dans le haram, kufr ni'ma. Changer la nature des rapports entre l'homme et la femme par les rapports homosexuels, kufr ni'ma. Changer le halal mubarak par le haram, kufr ni'ma. Changer la ni'ma de la raison par celle de l'ivresse, kufr ni'ma. Changer la ni'ma de la sécurité par le désordre, kufr ni'ma. Changer l'honneur par le déshonneur, par exemple les femmes que Allah Azawajal a honorées par le jilbab, par plein de choses et qu'elles vont se déshabiller, se mettre nues devant les hommes, à la kufr ni'ma. Changer la virilité par la féminité, ou l'inverse, l'homme qui se prend pour une femme, ainsi de suite, kufr ni'ma. Changer l'identité humaine pour penser des animaux, kufr ni'ma. Tu vas écouter de la musique à la place du Coran, avec ton ouïe là, kufr ni'ma. Suivre des influenceurs, les duels Rouébida à la place des savants, des Do'al Salafi, sur les réseaux ou autres, kufr ni'ma. On peut en sortir une liste indéfinie comme ça de kufr ni'ma que on fait tous les jours, qu'on trouve dans la Ummah. Wali'azubillah. Troisièmement également, Allah il peut t'éprouver en aveuglant ton cœur, non pas de ne pas remercier la ni'ma, mais pire encore que cela, de voir cette ni'ma comme étant un méfait. C'est-à-dire tu la combats et tu la vois comme étant nuisible à ton égard. Lorsque Moussa il dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi est-ce que vous vous en prenez à moi alors que vous savez que je suis le messager d'Allah pour vous? Et lorsqu'ils ont dévié, c'est-à-dire les Bani Israël, Allah fait dévier leur cœur. Et Allah ne guide pas un peuple de pervers. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. Et du fait que Allah n'est pas tel à changer un bienfait qu'il a accordé à un peuple, si ce n'est qu'après que ce peuple ait changé eux-mêmes, et que Allah est omniscient et parfaitement audient. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit par rapport à ce verset: ليس على عبد أضر من ملله لنعم الله فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة وذا هي من أعظم نعم الله عليه. Il a dit, parmi les pires choses que puisse subir le serviteur, c'est qu'il se lasse du bienfait d'Allah Azzawajal sur lui, qu'il ne le voit plus comme étant un bienfait, qu'il ne le remercie plus pour cela, qu'il ne s'en réjouisse plus, même il s'en met en colère, ça l'agace, il s'en plaint et compte ce bienfait comme étant un fléau pour lui, un méfait, alors que cela est parmi les plus grands bienfaits qu'Allah lui a accordé. فَأَكْثَرَ النَّاسِ أَعْدَوْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, que la plupart des gens sont ennemis des bienfaits qu'Allah leur a accordés. وَلَا يَشْعُرُونَ بِفَتْحِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِنِعَمِهِ, ils ne se rendent pas compte que Allah leur a ouvert les portes justement par ses bienfaits. وَهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي دَفْعِهَا وَرَدِّهَا جَهْلًا وَظُلْمًا. Et tu vois ces gens-là, multiplient les efforts pour pouvoir les repousser par ignorance et par injustice. فَكَمْ سَعَاتِ لَأَحَدِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَهُوَ سَاعٍ فِي رَدِّهَا بِجُهْدِهِ. Combien tu vois les bienfaits venir vers eux, tu les vois, ils les rejettent. Et ça, par exemple, chez les koufars, tu le vois. Wallah, tu les vois, des moussis viennent chez eux. Des fois, des mosquées viennent chez eux. Des gens d'Assunah sont chez eux, faire dawa, ils les combattent, ils ferment la mosquée, ils empêchent l'enseignant de faire tête d'ers, ainsi de suite. Ils combattent. Alors, ce sont des gens qui sont une cause pour qu'il y ait une baraka chez eux. Ils les combattent. Dans les foyers, des parents ont des enfants qui sont moustaqimoun, ils les combattent. Et ainsi de suite. Combien cela est fréquent? Et tout cela, يرجي عليكم الله عز وجل كتب عليكم القتال وكرهناكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dans le sens où Allah dit que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Mais il se peut que une chose, soit un bien pour vous, ou il se peut que vous aimiez une chose, ou plutôt que vous détestiez une chose alors qu'elle a un bien pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle a un mal pour vous, alors que Allah sait, alors que vous ne savez pas. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Donc en fait, la ni'ma, tu es en plein dedans, mais tu ne le réalises pas, si ce n'est qu'une fois que tu l'as perdu. Allah nous répète à maintes reprises dans Sourate Ar-Rahman, après nous avoir rappelé certains de ses bienfaits, car ils sont en réalité innombrables. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur irez-vous? Donc il faut qu'on ouvre les yeux sur ces bienfaits et qu'on se rappelle qu'ils ne sont pas un droit mais une grâce d'Allah pour nous. Allah ne nous doit rien, on lui doit tout. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De regarder ceux qui n'ont pas ce que l'on possède, pour réaliser ce que l'on possède justement, avant d'en être complètement privé. قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تصدروا نعمة الله عليكم. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, regardez ceux qui sont en dessous de vous, mais ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela sera plus à même de vous permettre de reconnaître les bienfaits d'Allah Azzawajal. Et chez les salafs, quelle était leur mentalité lorsque Allah les éprouvait? Par exemple, par la perte d'un membre, d'un organe, de leur corps. Ils disaient, Alhamdulillah, j'ai encore l'autre. Il perd une main, j'ai l'autre main. J'ai perdu une jambe, j'ai l'autre jambe. Quant à ceux qui passent leur temps à se lamenter sur leur sort, à se voir porter toute la misère du monde, à dramatiser, à être fataliste, pessimiste, défaitiste, j'y arriverai pas, ainsi de suite, c'est pas possible, tu comprends pas, ou même à jalouser les autres, et à leur en vouloir comme si autrui était responsable de leur fardeau, alors qu'ils révisent la vie des prophètes et celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des grands imams, et qui fassent la comparaison, et apprendre d'eux comment positiver, aller de l'avant. Comme à quand le Ta'ala, El jaza ou l'irsan, il est l'irsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Naam. فنسأل الله بكرمه وجوده وإحسانه ومنه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته